le travail. Avertissement, par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute! Plus l'humain devient conscient et plus il va chercher à exprimer sa créativité lorsqu'il travaille, et moins il sera intéressé à effectuer des tâches répétitives et mécaniques. En parallèle avec la descente sur la surface du globe de la conscience vibratoire, il y a le développement de l'automatisation de la production industrielle qui s'effectue dans le monde, de sorte que des machines vont de plus en plus remplacer l'humain pour effectuer les tâches répétitives et exigeantes sur le plan physique qu'il effectuait durant son passé. Bien que la technologie va occasionner des pertes d'emplois liées à l'exécution de tâches répétitives, elle va libérer du temps chez l'individu qu'il pourra utiliser pour manifester sa créativité. Plus l'humain se conscientise et plus il va vouloir être respecté lors de l'exécution de son travail, le développement de sa sensibilité va faire en sorte qu'il va de moins en moins tolérer la violence physique et psychologique venant d'individus et la violence psychique d'entités en milieu de travail. C'est la mutation de son mental qui va amener l'individu à œuvrer pour améliorer son sort en emploi ou à se maintenir dans une situation professionnelle où il vit la paix dans son mental. Ainsi, il accordera de l'importance à sa qualité de vie au travail et participera, à son échelle, à humaniser sa vie professionnelle. Durant le passé, l'état d'inconscience de l'humain faisait de lui un être propice à subir passivement des abus de pouvoir découlant d'entités du plan astral qui s'exprimaient lors de son travail, dans sa psyché ou par des individus sous leur influence qui avaient des comportements inappropriés à son égard. Cette situation faisait de lui un être vulnérable et propice à connaître des problèmes de stress ou d'épuisement en emploi. Lors de l'avenir, l'humain qui vivra la fusion avec l'énergie créative que représente son esprit va avoir tendance à agir de manière créative s'il est confronté à une situation difficile en emploi pour la régler. Par exemple, cela peut être s'il en a la vibration d'ajuster son travail à lui ou changer d'emploi. Il sera un être actif plutôt que passif à l'égard de l'adversité et des entités qui peuvent lui acheminer dans le mental des idées pour l'amener à se croire victime et impuissant. Donc, il ne se laissera pas influencer par les pensées qui nuisent à son évolution. Il cherchera plutôt à vivre en conformité avec sa vibration. Durant le passé, il y a eu beaucoup de gens qui ont vécu des situations difficiles au travail auxquelles ils se sont soumis en raison de leur état d'inconscience et leur manque de volonté d'émancipation. Lors de l'avenir, les gens qui se conscientisent vont de plus en plus être en mesure de contester, avec discernement, les abus de pouvoir qui se présentent à eux sur le marché du travail. Ils vont devenir de plus en plus conscients des subtilités de leurs manifestations à mesure que leur taux vibratoire et leur sensibilité vont augmenter pour leur permettre d'en percevoir les nuances. Ainsi, ils seront en mesure de remettre en question, dans cette sphère de vie, les comportements et pensées nuisibles se rapportant à l'influence d'entités néfastes qui s'effectuent. Le travail réalisé par l'individu conscient tendra à être en harmonie avec sa conscience plutôt que sous l'influence d'entités qui cherchent à le manipuler et à le détourner de sa paix mentale. L'humain conscient ne voudra pas effectuer un travail fondamentalement pour l'argent ou le statut social, mais plutôt parce qu'il en a la vibration. Le travail sera choisi en fonction de son plan de vie, soit un agenda individuel plutôt que collectif, bien que son travail puisse être utile à la société. Il sera d'abord choisi en fonction de l'expression de sa volonté individuelle. Ainsi, le travail est appelé à être le lieu de l'expression de sa créativité et à favoriser son évolution individuelle. Voilà ce qui termine maintenant la lecture du texte que j'ai écrit et qui porte sur le travail.